Le doute, c'est pratiquement ce qu'on sait faire de plus beau. Il y a tellement de diversité, tellement d'intelligence. La matière et ses atomes. C'est le moment où véritablement quelque chose a lieu. Et ce procédé devait mener à la séparation du chlorure de radium. Néandertal était différent, et pourtant si proche d'Homo sapiens. La génétique est la science de l'hérédité dont le père à la fin du 19e siècle est Georges Mendel. C'est une science neuve dont on attend beaucoup, particulièrement dans le domaine de la santé. On sent bien qu'une révolution génétique est en marche. Les cellules souches font presque partie du langage courant et on peut commander son génome sur Internet. Les gènes expliquent beaucoup de choses, mais on sait aujourd'hui que les gènes ne déterminent pas tout, nous dira Axel Kahn dans ce deuxième volet consacré à la génétique. Axel Kahn est généticien. Il a été notamment président de l'Université Paris-Descartes. Il a beaucoup travaillé au sein du Comité consultatif national d'éthique sur les questions éthiques relatives à la médecine et aux biotechnologies. Hier, nous nous sommes arrêtés à la publication dans la revue Nature en 1953 d'un article révolutionnaire à l'époque. Cet article décrivait la double hélice de l'ADN. Génétique, épisode 2, avec Axel Kahn. Les aventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter. 1953, l'article dans Nature montrant la structure en double hélice de cet ADN dont en 1944, Avery avait montré qu'il portait le gène. On comprend dès lors qu'avec les propriétés de cette double hélice, toutes les lois de la génétique s'expliquent. Notamment la possibilité des deux brins de se séparer et d'être recopiés en des brins complémentaires. C'est l'élément fondamental de la génétique. L'ADN, à peu de choses près, les acides nucléiques, on va dire, pour être tout à fait exact, sont les supports universels du gène. Leur mode de codage est un mode universel qui vaut pour toutes les formes de vie bactérienne, végétale, animale et humaine sur Terre. Et par conséquent, si on était capable par hasard de prendre un brin d'herbe et de le mettre dans un lapin, eh bien le lapin devrait synthétiser une protéine de brin d'herbe. C'est le début du génie génétique. Voilà ce qui semble évident lorsque l'ADN a été reconnu comme le support de l'hérédité. Il n'y a plus qu'à, en quelque sorte, savoir le faire. Dès la découverte de la double hélice, plus personne ne met en doute le fait que le gène soit l'ADN et personne ne doute que Watson et Crick auront le prix Nobel. La prédiction de Schrödinger, le gène, c'est l'essence, c'est la clé de la vie. Alors, c'est quoi le code génétique ? Un gène code une enzyme. Un gène code des protéines. Les briques fondamentales de la vie sont les protéines. Les gènes, c'est ce qui code. Mais les briques qui font le travail, le boulot, ce sont les protéines, notamment les enzymes. Mais comment le gène code-t-il une enzyme ? Tout d'abord, ce code doit être universel. Mais quel est-il ? Et là, il y a des travaux magnifiques, extraordinaires, assez théoriques. Francis Crick jouera un rôle très, très, très important. Mais également une équipe allemande, Mattei et Nierenberg, vont en très peu de temps, entre 1957 pour les premiers travaux de Crick et 1965-66, réussir à trouver le code génétique, le résultat global. Il y a donc quatre lettres dans l'ADN, A, C, G ou T. Et ce qu'on appelle le code génétique, c'est la répétition, l'ordre de séquence A, C, G, T, T, T, A, C, G, etc., etc. Comment cela donne-t-il les mots qui vont se retrouver, les informations dans les protéines ? La réponse est la suivante. Chaque groupe de trois bases, par exemple A, T, G, égale un acide aminé. Les acides aminés, ce sont les briques, il y en a 20 fondamentales, dont les protéines sont constituées. Et on trouve exactement à quel acide aminé correspondent les trois bases qu'on appelle un triplet. Ça, c'est le code génétique. Alors, c'est là où arrive l'école pasteurienne. Elle est importante, cette école pasteurienne. Elle va jouer un rôle fondamental sur un point considérable qui est comment mécaniquement fonctionnent à peu près les gènes. Les gènes, ce n'est pas une espèce de machine qui en permanence fonctionne, un moteur régulier. Il y a des fois où, par exemple, une enzyme qui va utiliser un sucre comme le galactose pour des bactéries. Eh bien, s'il n'y a pas de galactose, il n'y a pas besoin de faire cette enzyme et le gène n'a pas besoin d'être actif. Mais vous mettez des galactoses, pour vivre, la bactérie va besoin d'utiliser ce galactose, elle va faire une enzyme, la galactosidase. Et ce qui se passe, c'est que le gène va être activé. Cette activation va amener à la synthèse de bêta-galactosidase. Qu'est-ce qui se passe ? L'équipe pasteurienne contribue à deux niveaux. Premièrement, elle est parmi les équipes qui démontrent que l'intermédiaire entre le gène et la synthèse de la bêta-galactosidase, de la protéine, est un messager, un ARN messager. Alors, on parle d'ADN et d'ARN. Ce sont deux constituants de la nucléine. Et cet ARN, dans les cellules eucaryotes, les cellules animales par exemple, va partir des chromosomes où il y a l'ADN et va passer dans le cytoplasme, c'est-à-dire en dehors du noyau. Et c'est là, en dehors du noyau, dans le cytoplasme, que s'effectue la synthèse protéique. Et bien ça, c'est François Gros en particulier et François Jacob qui mènent ces expériences. C'est extrêmement important. Et l'autre élément, c'est quelle est la mécanique qui explique, par exemple, lorsque la bactérie voit du galactose, cette activation extrêmement rapide, explosive, de la synthèse de bêta-galactosidase, c'est-à-dire l'activation du gène. L'opéron lactose, c'est toute une mécanique extrêmement subtile de répresseurs, de co-répresseurs, etc. Et ça, ce sont les travaux qui vont valoir le prix Nobel, il date de 1960, à André Wolff, François Jacob et Jacques Monod. 12 septembre 2002, France Culture. Le biologiste François Jacob. Ce que fabrique le gène lui-même, la molécule d'ADN, c'est une autre molécule très semblable qui s'appelle de l'ARN, qui est l'acide ribonucléique au lieu de déoxyribonucléique. Et ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, la protéine est produite sur l'ARN en apportant les acides aminés avec une mécanique assez complexe qui permettent d'aligner les ARN de la protéine et de les unir entre eux. Vous voyez, un peu, je résume, le gène c'est l'ADN, on comprend comment ça fonctionne, le code génétique est universel, on connaît maintenant en très peu de temps le code génétique, on sait comment un gène, eh ben, il est endormi ou bien il est activé, c'est-à-dire la mécanique fine du niveau de fonctionnement des gènes, ça c'est l'opéron lactose en particulier et le prix Nobel de l'école pasteurienne. Et il reste maintenant à vérifier une autre prédiction de l'évolution. Je vous ai dit, si la vie est universelle et si les mécanismes sont universels, alors, si vous mettez un gène de champignon dans un poireau, le poireau doit synthétiser une protéine de champignon. Et si vous mettez un gène humain dans un colibacille, par exemple le gène de l'insuline humaine dans un colibacille, eh ben, le colibacille, il doit synthétiser de l'insuline humaine. Ça, c'est normal d'après tout ce que l'on sait. Mais il faut savoir le faire. Qu'est-ce qui manque ? Eh ben, il manque d'abord de savoir couper les gènes, l'ADN, en des endroits particuliers. Ça, ce sont les enzymes de restriction, les ciseaux à ADN. C'est 1962-1965, Harber et deux de ses collaborateurs qui le trouvent. Ensuite, arriver à prendre un fragment qui a été coupé et le mettre dans un autre fragment d'ADN. C'est le début du génie génétique. C'est 1972, Paul Berg. Le génie génétique, c'est l'ensemble des procédures qui vont utiliser les gènes. La base du génie génétique, c'est de jouer, de bricoler avec ce matériel génétique. Transporter un gène d'un organisme à un autre, réparer un gène, modifier un gène, muter un gène, etc. Tout ça, c'est le génie génétique. À partir de 1972, on est rentré dans le monde moderne. On peut séquencer l'ADN, trouver les gènes responsables des maladies et mettre au point énormément de nouvelles techniques. On imagine d'emblée énormément de choses. On imagine de faire produire des substances d'intérêt, des médicaments par exemple, tels que l'insuline, l'hormone de croissance, mais des substances d'intérêt industriel également, dans des grands fermenteurs, dans lesquels on a mis des organismes génétiquement modifiés, des levures génétiquement modifiées, ou bien des microbes génétiquement modifiés. Et ça commence dès les années 70. On pense également à pouvoir modifier les propriétés de plantes en transférant des gènes. La première plante transgénique, ça resterait discuté, c'est 1983. Et puis, puisque les maladies génétiques humaines sont liées à des anomalies du fonctionnement des gènes, des fois le gène n'est pas là ou alors la séquence du gène a été modifiée. Est-ce qu'on ne pourrait pas guérir ces maladies, les soigner, en corrigeant le gène ou au moins, dans un premier temps, en apportant dans la cellule, à la place du gène qui ne fonctionne pas bien, un gène qui fonctionne bien. C'est l'ADN médicament, c'est la thérapie génique. On commence à y penser dans les années 80 et le premier beau résultat de thérapie génique chez l'homme, c'est en 1999 et c'est là encore une équipe française qu'en est responsable. C'est l'équipe de Marina Cabalzana-Calvo et d'Alain Fischer sur une forme de déficit immunitaire de l'enfant. Les enfants bulles, vous savez. Il y a loin, cependant, chaque matin de lumière, je retrouve une âme d'enfant qui se recueille et s'émerveille. Je suis heureux, il fait soleil. Et pourtant, ce journal que l'on m'apporte, je pourrais lire noir sur blanc les faits divers en lettres mortes. Tout ce flot de pleurs et de sang roule comme il roulait la veille. Je suis heureux, il fait soleil. Et pourtant, je suis libre, je bois, je mange, en prison pleure un innocent. Sur la rive asséchée du Gange, un enfant s'endort doucement sous l'œil sec du vautour qui veille. Je suis heureux, il fait soleil. Et pourtant, c'est le monde, on y oublie de temps en temps qu'ici et là le canon gronde, mais qui veut l'écouter l'entend. Il suffit de prêter l'oreille. Je suis heureux, il fait soleil. L'abîme, il apparaît, ce temps de misère et de mort où nos joies de honte se payent, que je chante sans remords, simplement comme fait l'abeille. Pour tout le monde, il fait soleil. Fait soleil, c'était Sylvain Vanneau. Les aventuriers sur France Inter. Les années 70 marquent le début du génie génétique. On commence à recombiner de l'ADN en laboratoire. Le premier OGM est produit en 1973. À cette époque, Axel Kahn, généticien, était directeur de recherche à l'INSERM. Immédiatement après que l'équipe de Paul Berg a publié le premier organisme génétiquement modifié, les gens sont pris d'une terreur tout à fait extraordinaire, en disant « mais c'est effroyable, qu'est-ce qu'on ne va pas faire en changeant le doigt de Dieu ?» En quelque sorte, les propriétés, cette clé de la vie, nous avons la clé de la vie. Il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on réfléchisse. Et cette réflexion va culminer avec un congrès qui suit un moratoire d'Asile Omar, qui joue un rôle extrêmement important. Et puis, après que l'on a longuement réfléchi, tout le monde fait du génie génétique. Tout le monde fait du génie génétique, et ben, tout simplement parce qu'il y a de très nombreuses applications. Purifier des médicaments animaux pour les hommes, par exemple de l'insuline, pour soigner les diabétiques. La méthode, elle est simple. Vous allez prendre le gène de l'insuline humaine, mettre ce gène dans un colibacille qui va fabriquer l'insuline humaine. Un autre exemple dramatique, l'hormone de croissance. Les enfants de petite taille, liés à une insuffisance hypophysaire, sont soignés par injection d'hormone de croissance purifiée à partir de cadavres. À partir de centaines de cadavres, d'hypophyses de cadavres. Il s'est trouvé dans ces centaines de cadavres que certains étaient atteints de la redoutable maladie de Creutzfeldt-Jakob. Tous les lots d'hormones de croissance ont été contaminés, tous les enfants injectés sont morts de cette effroyable et incurable maladie de Creutzfeldt-Jakob. Un scandale et un drame sans pareil. La solution, elle est simple. On ne va pas purifier l'hormone de croissance de cadavres, on va prendre le gène de l'hormone de croissance et on va commander à un micro-organisme de fabriquer de l'hormone de croissance. C'est ce que l'on appelle l'hormone de croissance recombinante. Elle est absolument sans danger. Le génie génétique est une évidence à partir du moment où on maîtrise cette méthode. Un gène, c'est un peu comme un mot, et pour créer un caractère, souvent, il faut plusieurs gènes. Et donc, je vais utiliser la métaphore de l'alphabet. Dans l'alphabet génétique, il n'y a que 4 lettres, A, C, G ou T. Prenons l'exemple du mot et imaginons la phrase. La reine s'en est allée. La reine s'en est allée, la femme du roi s'ennuyait et elle est partie de la pièce pour faire un tour dans le jardin. Je change le R de reine par un P. La peine s'en est allée. Une lettre est changée. Le sens est transformé. La petite fille qui pleurait a été rassérénée et se met à sourire. Il y a une mutation. Les mutations fonctionnent comme cela. Notre alphabet que nous connaissons, ABCD, etc., alphabet génétique A, C, G ou T, avec uniquement la répétition de ces signaux, on peut tout dire, tout figurer, tout représenter. Le séquençage d'ADN, c'est A, C, G, T, T, A, C, C, G, G, T, T, A, etc., etc. Et ça, beaucoup de fois, hein. 3 milliards de fois, 2 fois, 3 milliards de fois dans nos cellules à nous. Il faut connaître, arriver à lire. Deux méthodes ont été publiées, les deux chercheurs qui ont trouvé cela, qui sont Gilbert, Maxam et Gilbert d'une part, et Sanger d'autre part, ont eu le prix Nobel pour cela, ont permis de penser à séquencer tous les génomes. Le premier génome qui a été séquencé grâce à la mise au point de ces techniques de séquençage de l'ADN, c'est un génome d'un virus, un petit génome, en 1977. Donc vous voyez, 1972, génie génétique. Comme on a le génie génétique, on peut prendre des brins d'ADN qu'on met dans des bactéries et on fait multiplier les bactéries. Donc le brin d'ADN, on a de grandes quantités. Et on peut maintenant établir sa séquence. Et le programme génome humain, il démarre en 1980. Mais c'est gros, un génome humain, très gros par rapport à un petit génome viral. Donc initialement, on pensait qu'il faudrait très très longtemps, il faudra beaucoup moins de temps. Ce que l'on appelle le génome, c'est l'ensemble des gènes. Un gène, c'est un mot. Le génome, c'est l'ensemble de la bibliothèque. L'ensemble de la bibliothèque génétique d'un homme, c'est le génome humain. L'ensemble de la bibliothèque génétique d'un bovin, d'une vache, c'est le génome bovin, etc., etc. Le génome humain, on croyait jadis, de manière stupide, qu'on avait beaucoup de gènes. Pour quelle raison ? c'est que, avec quelques raisons, on considère que les femmes et les hommes, c'est tout de même des êtres vivants épatants, totalement remarquables. Qu'est-ce qu'ils doivent en avoir comme gènes? Et on imaginait, on a proposé 100 000 gènes, plus, etc., etc. Eh ben, déception. À l'arrivée, les humains n'ont pas plus de gènes que les ânes bâtés. Environ 22 à 23 000 gènes. Tous les mammifères ont 22 à 23 000 gènes. On n'est même pas du tout les recordman du monde quant au nombre de gènes. Les tulipes ont plus de gènes que nous. Les paramécies ont plus de gènes que nous, etc., etc. La première fois que l'on se fixe comme but, maintenant que le séquençage est disponible et que les méthodes existent, c'est dans les années 80. Et d'ailleurs, c'est Watson, celui de la double hélice, et Gilbert, l'un de ceux qui a imaginé le séquençage, qui lance cette course à l'élucidation du génome humain. Et comme le génome humain est très compliqué, on imagine dans un premier temps qu'il faudra très très très très longtemps. Et puis tout va s'accélérer. Une des raisons, c'est que le séquençage, qui était une technique de laboratoire sur la paillasse extrêmement artisanale, devient réalisé par des machines automatiques de plus en plus rapides, de plus en plus performantes, extraordinaires. Et une autre raison sont les petits Français. Et c'est le Téléthon, le Généthon. Daniel Cohen, un scientifique, il a été un de mes internes, je le connais bien, avec André Baratto, décide de se lancer dans le séquençage du génome, dans la carte du génome, et décide non pas de le faire comme on travaille d'habitude au laboratoire, le chercheur à la paillasse, mais avec une normalisation, une systématisation, une optimalisation de type industriel. Et il crée le Téléthon. 2012, Bernard Baratto, créateur du Téléthon, président de l'Association française contre les myopathies. Le génome humain, c'est comme un énorme livre de l'humanité, dans lequel est inscrite toute l'histoire de l'humanité. Ce livre, il faut le lire. Il est énorme, il y a beaucoup de pages, elles sont très fines et c'est écrit très petit. Le but de l'opération de ce soir, c'est de doter nos chercheurs, nos laboratoires, de l'outil qui va permettre de lire ce génome à grande vitesse, à la recherche des gènes des maladies. Et parce qu'il fallait que tout cela aille vite, on créait et on fabriquait ici des automates pour accélérer les trop longues manipulations nécessaires à cet immense travail. Tous les résultats qui en découleraient seraient bien sûr à la disposition de tous les chercheurs, gratuitement. Il grille la politesse des Américains, en particulier dans la diffusion de la première carte physique et génétique du génome. Les Américains sont stupéfaits. Et ils décident, mais avec leurs moyens à eux, de faire la même chose. Et évidemment, leurs moyens à eux sont considérables et in fine, on a deux versions du génome humain qui sont publiées en l'an 2000. Tout d'abord, une société privée dirigée par Craig Venter, Tiger et Celera Genomics. Et d'autre part, un consortium international. La meilleure version, c'est celle du consortium international. Et la version finalisée, à peu près correcte, à peu près complète, sera publiée en 2003-2004 par le consortium international. L'annonce de ce que le génome humain avait été séquencé a été une nouvelle d'un considérable retentissement international. Le président des États-Unis d'Amérique, les chefs d'État des plus grands pays sont fendus d'un communiqué pour indiquer que c'était un moment important de l'histoire de l'humanité, au moins équivalent au premier pas de l'homme sur la Lune. 26 juin 2000, Bill Clinton à la Maison Blanche, traduit par Eric Oswald. Il y a moins de 50 ans, Crick et Watson découvraient la structure élégante de notre code génétique. Depuis, nous avons mis en commun toutes nos connaissances dans les domaines de la biologie, de la chimie, de la physique, de l'ingénierie, des mathématiques et des sciences informatiques. Et aujourd'hui, nous célébrons la fin du premier séquençage en intégralité du génome humain. C'est sans aucun doute la plus importante et la plus merveilleuse carte jamais produite par le genre humain. Cette annonce représente bien plus qu'une incroyable réussite de la science et de la raison. Aujourd'hui, nous avons appris la langue avec laquelle Dieu a créé la vie. Grâce à cette nouvelle connaissance, l'humanité est sur le point de gagner de nouveaux pouvoirs de soigner. La science du génome va profondément impacter nos vies et bien au-delà, celles de nos enfants. Elle va révolutionner les diagnostics, la prévention et le traitement de la plupart des maladies humaines. Dans les prochaines années, les médecins pourront de plus en plus guérir des maladies comme Alzheimer, Parkinson, le diabète et le cancer en s'attaquant à leurs origines génétiques. Dans un premier temps, on a eu l'illusion que parce que l'on connaissait l'enchaînement de ces 2 fois 3 milliards de paires de bases que constitue l'ADN humain, alors, immédiatement, on connaîtrait tous les gènes, on pourrait les réparer, soigner les maladies génétiques, connaîtrait les mécanismes de toutes les maladies. En réalité, évidemment, il n'en est rien. Il s'agit d'une base importante, mais le gros du travail, il est à faire après. Donc, c'est une étape extrêmement importante, en réalité. Il n'y a pas eu de réaction négative réellement à cela, mais la recherche continue, bien entendu. Le duo britannique Otseki interprète Already Dead. We're all born in the womb of death, hanging on to our final breath. You can ride that road to heaven, and it'll hurt like hell. I am the residue swelling up inside of you. You can try and shoot me down, babe, I'm already dead. Chauvière sur France Inter. 13 août 2007, France Culture, émission Les Pieds sur Terre. manif anti-OGM en Ariège. Des banderoles et des bottes en caoutchouc, il n'en faut pas davantage aux anti-OGM pour battre la campagne, sous la pluie, jusqu'au champ repéré quelques semaines plus tôt. Le maïs est à peine sorti de terre. La mission est d'arracher les semis et de les remplacer par des graines de maïs bio. Ni dans les champs, ni dans les assiettes, les OGM, on n'en veut pas. Je suis paysan depuis 25 ans. J'ai subi toutes ces histoires de farine de poisson, de dioxine, de farine animale, etc., etc. Et on continue avec les OGM. Et je m'aperçois qu'il faut arrêter, qu'il y a un moment où il faut dire stop. Petit à petit, ça va rentrer dans une production de masse. On va respirer de l'OGM, on va boire de l'OGM et on va manger de l'OGM. On est en train, non seulement de s'empoisonner nous, mais on est en train d'empoisonner nos enfants et la terre sur laquelle ils vont vivre. Et ça va plus du tout. Axel Kahn, généticien. Dans l'opinion publique, le terme OGM, organisme génétiquement modifié, renvoie directement à la polémique sur les plantes transgéniques. Il faut rappeler quelques éléments. Les premiers OGM n'ont pas du tout été des plantes. Le génie génétique est basé sur les OGM. À partir du moment où on fait du génie génétique, on crée des organismes, des micro-organismes génétiquement modifiés. Les premiers organismes génétiquement modifiés ont été des micro-organismes génétiquement modifiés, les levures, les colibacilles, qui produisent les exemples que j'ai pris tout à l'heure, l'insuline ou bien l'hormone de croissance humaine pour le meilleur bénéfice de l'homme, des femmes et des hommes qui sont malades. Et puis, en 83, on a imaginé modifier les propriétés des variétés, non pas par la méthode des variétés végétales, non pas par la méthode classique de l'hybridation, de croisement et puis de sélection, mais en conférant directement à une variété de départ un gène supposé coder le caractère désiré. C'est le début des plantes transgéniques, et là, immédiatement, une polémique considérable qui n'est absolument pas apaisée s'est soulevée dans le monde entier, et on peut se demander pour quelle raison cette polémique a-t-elle été soulevée à propos des plantes transgéniques, alors qu'elle n'avait pas été soulevée à propos des autres organismes génétiquement modifiés qui sont contemporains du début du génie génétique. La première raison, c'est l'attente des personnes. L'attente et les peurs des personnes. Les malades que l'on doit soigner avec l'hormone de croissance sont demandeurs de ne pas risquer d'attraper la maladie de Creutzfeldt-Jakob. De la même manière, les diabétiques sont demandeurs d'une forme d'insuline. Et donc, qu'on puisse le faire par génie génétique, leur a semblé évidemment un progrès. En matière d'alimentation, en matière de végétaux en règle générale, l'idée principale, c'est que ce à quoi on aspire, c'est de revenir aux formes traditionnelles de la culture. Cette mécanisation, cette industrialisation, cette introduction de la science dure dans le rituel de la culture traditionnelle de nos campagnes, de la préparation de nos aliments, est extrêmement antipathique, d'autant plus qu'il y a eu des grands scandales alimentaires. Si bien que le génie génétique pour fabriquer des médicaments, oui. Le génie génétique pour modifier les végétaux, il n'y avait pas de demande. Et comme il n'y avait pas de demande, alors évidemment, les craintes ont pu se donner libre cours. Et c'est la base fondamentale de la différence de l'appréciation des OGM, selon qu'ils servent à soigner les gens ou bien selon qu'ils soient proposés pour améliorer tel ou tel facteur de l'agriculture. Alors, quel est le bilan aujourd'hui des OGM ? Les micro-organismes génétiquement modifiés sont massivement utilisés, massivement, pour fabriquer des médicaments, pour fabriquer des substances industrielles dans d'immenses fermenteurs. Les plantes transgéniques, autre forme d'OGM, font l'objet d'une très vive opposition. Mais il y a aujourd'hui 140 millions d'hectares de terres cultivées avec des OGM. On peut considérer aujourd'hui qu'environ 12% de toutes les terres cultivées au monde sont cultivées avec des plantes transgéniques. Très peu en Europe, quasiment pas en Europe, mais massivement en Amérique latine, aux États-Unis, en Chine, en Inde, au Canada. Des animaux transgéniques, il y en a peu. Et puis, il y a une dernière forme d'OGM. Ce sont les malades qui sont traités par thérapie génique. Ce sont des organismes génétiquement modifiés, naturellement. Et il y en a un certain nombre, puisque la thérapie génique a fait des progrès. C'est encore une thérapeutique de créneau pour certaines maladies, mais elle a fait aujourd'hui d'incontestables progrès. 8 décembre 1997, France Inter. Cet après-midi, à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif, une équipe de médecins entreprendra un essai de thérapie génique sur le cancer du poumon. C'est un patient de 60 ans qui recevra ce traitement, le premier de ce type qui associera un virus et le gène d'une protéine. Daniel Messager, comment cet essai se déroulera-t-il techniquement ? Alors pour parler technique, il faut d'abord parler de l'appareil. Et c'est un fibroscope qui va servir à introduire au niveau de la tumeur un virus, porteur d'un gène. Alors ce gène doit servir à fabriquer une protéine dont le rôle est d'alerter les cellules tueuses de l'organisme, celles qui sont censées nous débarrasser de tout ce qui est anormal. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un cancer, ces défenseurs n'ont pas rempli leur rôle, sinon ils n'auraient pas laissé se développer ces cellules anormales. Ces cellules anormales, les cancéreuses, la protéine va donc les obliger à se démasquer, car en plus elles se cachent, et le système immunitaire renforcé va alors pouvoir les éliminer. Alors le génie génétique est donc très largement diffusé, il porte des enjeux économiques tout à fait considérables. Tout d'abord, ces médicaments génétiquement modifiés, ces protéines recombinantes, sont vendus par des firmes privées. De très nombreuses molécules apparaissent. Il y a une nouvelle technique de traitement des cancers extrêmement prometteuse qui est basée sur le génie génétique et donc des cellules modifiées. Or, ce sont des traitements qui sont incroyablement onéreux. Et puis, on fabrique également des substances qui ne sont pas des médicaments, qui sont des substances génétiquement modifiées industrielles. Pour ce qui est de l'agriculture, de la même manière, il y a toujours eu des enjeux tout à fait considérables dans l'agriculture. Il y a des grandes sociétés semencières, des grandes sociétés de biotechnologie. Donc les enjeux économiques sont tout à fait considérables. Ils concernent la santé, l'agriculture et d'ailleurs une partie de l'opposition qui se focalise vraiment surtout sur l'agriculture. Et il y a la contestation du poids de ces enjeux économiques dans les modalités de l'agriculture traditionnelle. C'est aujourd'hui une question et un objet de discussion majeur. Quelle est la dimension éthique de tout cela ? L'utilisation des méthodes de modification génétique de l'humain soulève de gigantesques questions éthiques et ces questions continuent aujourd'hui. Et la question principale est-ce que l'on aura le droit, le jour où on le pourra, d'utiliser la maîtrise que l'on a des génomes humains pour faire apparaître de nouveaux lignages humains, transhumains ? C'est le grand débat éthique du transhumanisme. La même manière, dans le problème des plantes transgéniques, ce sont des problèmes de biosécurité et de domination économique. Si jamais il y a une technique qui permet à certains intérêts de prendre l'ascendant, de prendre le pouvoir sur tout un secteur dont vivent notamment les petits agriculteurs, ça entraîne une question qui a une dimension éthique, cela va de soi. L'ADN des organismes, et notamment l'ADN humain, et ça on s'en est rendu compte en particulier à partir de 1977, contient une toute petite partie, 2 à 3%, qui correspond au code nécessaire à la synthèse des protéines. L'ADN évidemment utile pour synthétiser des protéines, l'ADN codant. L'immense majorité de l'ADN, plus de 95%, il n'est pas codant. Et une grande partie de cet ADN non codant, on ne sait pas à quoi il sert. Il est possible qu'il ne serve à rien, qu'il soit simplement un fossile de l'évolution. Par contre, dans cette immense quantité d'ADN qui ne sert à rien, la différence entre deux individus au niveau de cet ADN non codant est considérable. Bien plus considérable qu'au niveau des empreintes digitales. L'empreinte génétique est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus précise que l'empreinte digitale. Alors, on s'est rendu compte de cela et aujourd'hui, on étudie l'extraordinaire diversité de cet ADN non codant pour des thèses de filiation, mais également en criminologie, pour innocenter ou alors pour confondre des assassins. C'est une méthode absolument essentielle, d'autant plus que on sait aujourd'hui, à partir d'une trace d'ADN par des méthodes enzymatiques, on sait l'amplifier, ce qu'on appelle l'amplification de l'ADN, la PCR. C'est une méthode qui fait totalement partie de la justice, de l'identification des tests de paternité modernes. Et une goutte de salive suffit? Une goutte de sperme, une goutte de sang, un cheveu, un poil, tout ça suffit, oui. On écoute Barbara Carlotti voir les étoiles tomber. J'avance sans peur dans la dead zone. Génétiquement modifiés, poissons fluorescents, on a l'impression que plus rien ne semble impossible. La génétique a bouleversé la médecine. L'hormone de croissance, l'insuline sont produits par des bactéries issues du génie génétique. Le généticien Axel Kahn a vécu toute cette histoire. Où en est-on en 2018 de l'évolution du génie génétique? Moi, je peux me considérer comme l'un de ceux qui a utilisé les méthodes du génie génétique depuis leur début. Quand j'ai commencé à créer de l'ADN recombinant, à prendre des fragments d'ADN, à les cloner, etc., à faire des souris transgéniques, quel était mon rêve, mais mon rêve de biotechnicien? Mon rêve était d'être capable, non pas simplement pour remplacer un gène qui fonctionne pas, d'en apporter un qui fonctionne bien, ça c'est grossier, mais de réparer les gènes mutés, mais de réécrire une portion du génome. Mais ce rêve, on n'était pas du tout prêt à le réaliser. Et puis, les choses se sont améliorées. C'est-à-dire, on a fait de plus en plus précis, de plus en plus facilement, de moins en moins cher, de plus en plus rapidement. Et en 2012, deux femmes chercheurs remarquables, Jennifer Doudna et une Française, Emmanuelle Charpentier, a réussi à créer un système dont l'archétype est ce que l'on appelle CRISPR-Cas9, qui permet d'envisager cette espèce d'épiphanie du rêve des généticiens moléculaires. C'est-à-dire d'être capable de réécrire précisément, rapidement, à bon marché, des portions du génome et, en particulier, corriger des mutations. Et aujourd'hui, on en est là et cette méthode, qui n'est pas elle-même une révolution, mais c'est un progrès tellement considérable qu'il modifie la totalité du spectre du génie génétique dont j'ai parlé, aussi bien pour ce qui est des micro-organismes génétiquement modifiés que de la thérapie génique, que des plantes transgéniques, et puis également cette perspective qui pose des problèmes éthiques, c'est-à-dire la création de personnes génétiquement améliorées, des transhumains, transhumanismes. CRISPR-Cas9 est un peu ce à quoi on veut l'utiliser. Il peut corriger le génome, il peut inactiver le génome, il peut permettre d'insérer des nouveaux gènes à des endroits précis. Auparavant, on les insérait un peu au hasard. Et donc, c'est simplement plus de précision, plus de maîtrise dans tout ce que les généticiens moléculaires ont toujours désiré faire sans en avoir les moyens. C'est très difficile de faire de la biologie moléculaire aujourd'hui sans utiliser en laboratoire CRISPR-Cas9. Et évidemment, on parle de l'utiliser dans bien d'autres domaines. Le domaine du génétique industriel, de la thérapie génique, et puis le domaine agricole. C'est une question qui est vraiment pendante aujourd'hui. Les perspectives sont importantes. Il y a des oppositions, bien entendu. Mais aussi pour essayer de faire de la lutte biologique, c'est-à-dire par CRISPR-Cas9, là c'est un peu compliqué d'expliquer la technique, on peut imaginer inactiver, rendre non pathogène ou bien détruire toutes des populations d'insectes ravageurs, de peste, virus vecteur de la dengue ou bien d'autres maladies comme cela, ou bien de grandes maladies végétales ou animales. Ça, c'est quelque chose qui devient possible par la maîtrise dont CRISPR-Cas9 est l'archétype. Le problème de la technique, c'est que lorsqu'elle devient plus efficace, on va dire que l'efficacité n'est pas en soi une complication. Quand on commence à faire quelque chose, on espère toujours être capable de le faire de plus en plus facilement. Ce qui est vrai, c'est que la maîtrise, le pouvoir que l'on acquiert grâce à une technique qui devient de plus en plus efficiente, fait naître de nouveaux projets, de nouveaux espoirs. Et ce n'est pas la technique parce qu'elle est efficace qui est dangereuse. C'est qu'elle éveille éventuellement de nouveaux desseins qui sont discutables et qui peuvent être critiquables. Un exemple de ces questions qui se posent. Au début du génie génétique, on s'inquiétait beaucoup des risques liés au génie génétique et donc différents types de confinements ont été imaginés. Confinement en laboratoire, et puis lorsque on s'est mis à planter des plantes transgéniques, confinement reproductif, isoler les plantations transgéniques des plantations non transgéniques, faire en sorte que les animaux transgéniques soient stériles, soient incapables de polliniser, la stérilité mâle, etc. Grâce à CRISPR-Cas9, on espère aujourd'hui entrer dans une nouvelle phase de la lutte biologique pour détruire des populations d'insectes ravageurs, de pestes ravageuses. Et ici, évidemment, on ne va pas du tout chercher le confinement. Au contraire, pour que cette technologie fonctionne, il faut qu'elle ne soit pas confinée du tout, qu'elle se répande dans la totalité de la population. C'est une modification très importante du paradigme. Et ça, il faut poser la question et s'y pencher très sérieusement. Aujourd'hui, que sait-on des gènes ? Pour l'essentiel, les gènes sont des molécules d'ADN. Ils fonctionnent sur un mode universel qui a rendu possible le génie génétique. On peut asservir n'importe quel organisme vivant à une portion du génome des autres organismes vivants, et cela de plus en plus précisément avec CRISPR-Cas9. Mais les gènes ne font pas tout. En particulier, un gène, il dort ou il fonctionne. Il est réveillé, il fonctionne très fort ou il ne fonctionne pas fort. Il y a tout un appareillage qui intervient dans le fonctionnement des gènes. Et cet appareillage lui-même, il est soumis à une régulation. Cette régulation qui ne va pas modifier la séquence des gènes, c'est-à-dire le pouvoir codant des gènes, mais qui va modifier le fonctionnement des gènes, le niveau de fonctionnement des gènes. C'est ce que l'on appelle les modifications épigénétiques. Pour l'essentiel, ce sont des modifications qui interviennent au niveau des protéines qui jouent un rôle dans la machinerie de fonctionnement des gènes. Or, l'épigénétique joue elle aussi un rôle important, c'est redonner un peu une place à la pensée de Lamarck, puisque ces modifications épigénétiques sont acquises, joue également un rôle important qui ne remet pas en cause naturellement le dogme central de la biologie, mais l'épigénétique doit être prise en compte. Prenons un exemple d'épigénétique très célèbre. Après la guerre de 39-45, la sous-alimentation a persisté beaucoup. Aux Pays-Bas en particulier, pas seulement, mais notamment aux Pays-Bas. Si bien que les femmes qui ont été enceintes en 45-46 et encore jusqu'en 47 ont été très dénutries. Et leurs enfants qu'elles portaient, eux aussi, ont subi une carence alimentaire. Ces enfants sont nés avec un petit poids. Ils sont une proportion importante à avoir développé de l'hypertension artérielle, de l'obésité, du diabète. Eh bien, les enfants de ces enfants, eux aussi, ont une fréquence plus grande de susceptibilité, de risque de développer ces maladies dont j'ai parlé. L'hypertension, l'obésité et le diabète. C'est-à-dire que cette modification acquise, liée à la sous-nutrition in utero des enfants, liée à la carence de leur mère enceinte, non seulement a modifié ces enfants, mais a modifié plusieurs générations. Cette anomalie épigénétique a été transmise sur plusieurs générations. Pas toutes les générations. La grande différence, c'est qu'une mutation se transmet ad vitam aeternam, alors qu'une modification épigénétique se transmet simplement sur un certain nombre de générations. Voilà le plus bel exemple de modification épigénétique, mais vous voyez bien que ces modifications-là jouent un rôle très grand dans la pathologie humaine, en réalité. J'ai dit tout à l'heure que les gènes déterminaient, mais déterminaient notamment les conditions pour être libre. Les gènes, autrement nous ne serions pas libres, ne déterminent pas un destin. Les gènes déterminent, pour faire simple, des protéines, pas simplement mais des protéines, les gènes déterminent les propriétés des cellules, les propriétés des organismes. Mais le destin et la rencontre avec un organisme d'une variété de propriétés et un environnement au sens large du terme, environnement humain, affectif, psychique, environnemental, climatique, qui lui n'est pas génétiquement déterminé. Voilà la différence entre les gènes qui déterminent des propriétés. Les propriétés peuvent influencer le destin. Les gènes ne déterminent jamais un destin. Vous pouvez retrouver Axel Kahn dans Les grandes épopées qui ont fait la science. Le livre est paru chez Flammarion et c'est une coédition France Inter. Tous les aventuriers de l'été sont déjà à votre disposition sur le site de France Inter. Pour que vous puissiez les emporter dans votre valise, n'hésitez pas. L'intelligence animale, le cerveau, les origines de l'homme, Néandertal, la conquête de Mars, la physique quantique ou les confins de l'univers, entre autres, vous attendent. Clément Baudet réalise Les Aventuriers, Irène Menahem a préparé cette émission, à la programmation musicale Djoubaka, à la prise de son Pierre-Yves de Rolin et Vincent Godard. Merci aussi à Romain Couturier de la discothèque de Radio France. Au programme la semaine prochaine, la grande aventure de l'intelligence artificielle avec le mathématicien Cédric Villani samedi et avec Jean-Claude Audin, chercheur en intelligence artificielle dimanche. Très bonne semaine à tous.